Sa main, plus que nos bras, multipliait les coups. Répondez, Tazzoli, Simoncelli, vous tous. Cet homme interrompait la messe à l'offertoire. Ce prêtre rejetait la gorgée au ciboire, seigneur, pour faire signe au bourreau de frapper et lui montrer du doigt les têtes à couper. Sa ceinture servait de corde à nos potences. Il liait de ses mains l'agneau sous nos sentences. Et quand on nous criait « Grâce !» il nous criait « Feu !» C'est à lui que le mal revient. Voilà, grand Dieu, ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il nous a fait faire. Cet homme était le pôle et l'axe de la sphère. Il est le responsable et nous le dénonçons. Seigneur, nous n'avons fait que suivre ses leçons. Seigneur, nous n'avons fait que suivre son exemple. Nos forfaits sous ses pieds sont nés dans votre temple. Il nous a mis l'enfer dans l'âme au lieu du ciel. Lui seul porte le poids du crime universel.